peur. Est-ce que tu vas m'écouter? Tu es encore là? Peux-tu écouter? Écouter un fils égoïste et infidèle? Je t'ai combattu quand tu as appelé, j'ai résisté. Je croyais en savoir plus que toi, je voulais pas être ton fils. Est-ce que tu peux me pardonner? J'ai pas lutté assez fort. Père, donne-moi la main. Je veux apporter le salut, Père. Reprends-moi. Fais une fête. Ouvre-moi tes bras. Je veux être ton fils. Je veux en payer le prix. Je veux mourir crucifié et ressuscité. Je veux être le Messie. Attends, la septième.